Chapitre 10. La citatielle. Ophélie se tordait la nuque, incapable de détacher son regard de la cité monumentale qui se dressait jusqu'aux étoiles. Perchée sur une muraille, un chemin de ronde enlaçait la forteresse par la taille et serpentait en colimaçon jusqu'au sommet. La citatielle était bien plus bizarre qu'elle n'était belle. Des tourelles aux formes diverses, tantôt bouffies, tantôt fluettes ou bien bancales, crachaient de la fumée par toutes leurs cheminées. Les escaliers en arcade enjambaient maladroitement le vide et ne donnaient pas du tout envie de s'y risquer. Les fenêtres, vitrées ou croisées, émaillaient la nuit d'une palette de couleurs mal assorties. « J'ai cru mourir !» agonisa une voix derrière Ophélie. « Gaffe, dame ! Chaussée comme vous êtes, ce sol-là est une vraie glissoire !» Soutenue par le garde-chasse, défaillante, la tante Roseline cherchait son équilibre sur la surface des douves. À la lumière de la lanterne, son teint paraissait plus jaune encore qu'à l'accoutumée. Ophélie posa à son tour un pied prudent hors de son traîneau et assura la prise de ses souliers sur la glace. Elle tomba aussitôt à la renverse. Les bottes crantées de tornes, elles, adhéraient parfaitement à l'épaisse pellicule de gel tandis qu'elle dessanglait ses chiens pour les joindre à ceux du garde-chasse. « Ça ira, monseigneur ?» s'enquit ce dernier tout en enroulant les longes autour de ses poignets. « Oui. » En un coup de reine, l'attelage détala sans un bruit, accrocha un couloir d'air et disparut avec sa lanterne dans la nuit comme une étoile filante. Affalée sur la glace, Ophélie le suivit des yeux avec le sentiment qu'il emportait avec lui tout espoir de retour en arrière. Elle ne comprenait pas comment il était physiquement possible qu'un traîneau attelé à des chiens pût voler ainsi. « Aidez-moi !» Le grand corps raide de Thorne s'était incliné derrière son traîneau vide et attendait apparemment qu'Ophélie fît de même. Elle dérapa tant bien que mal jusqu'à lui. Il lui désigna un piquet qu'il venait de planter dans la neige. « Appuyez votre pied contre lui, à mon signal, vous poussez aussi fort que vous pouvez. » Elle acquiesça, peu sûre d'elle. C'était à peine si elle sentait encore ses orteils contre le pieu. Dès que Thorne lui en donna le signal, elle s'arc-bouta de tout son poids contre le traîneau. Le véhicule, qui se mouvait si facilement derrière les grands chiens-loups, semblait pris dans la glace depuis qu'on avait dételé les bêtes. Ophélie fut soulagée de voir les patins céder à leur poussée. « Encore !» exigea Thorne d'un ton plat tandis qu'il enfonçait d'autres piquets. « M'expliquera-t-on à la fin ce que tout ce manège signifie ?» se formalisa la tante Roseline en les voyant faire. « Pourquoi personne ne vient-il nous accueillir en bonne et due forme ? Pourquoi nous traite-t-on avec si peu d'égard ? Et pourquoi ai-je l'impression que votre famille n'est pas informée de notre venue ?» Elle gesticulait dans sa fourrure brune, luttant pour trouver son équilibre. Le regard que Thorne darda sur elle la pétrifia sur place. Ses yeux ressortaient comme deux éclats de lame dans l'obscurité bleutée de la nuit. « Parce que... » chuchota-t-il entre ses dents. « Un peu de discrétion, madame, ça vous écorcherait. » Sa figure maussade redescendit vers Ophélie et lui fit signe de pousser. Répétant encore et encore leurs manipulations, ils gagnèrent un vaste hangar dont les immenses portes mollement reliées par des chaînes grinçaient sous le vent. Thorne souleva sa pelisse, révélant un sac qu'il portait en bandoulière et tira un trousseau de clés. Les cadenas sautèrent, les chaînes glissèrent. Des rangées de traîneaux semblables aux leurs s'alignaient dans le noir. Une rampe de manœuvre avait été aménagée à l'intérieur. Thorne gara leur véhicule dans l'entrepôt sans plus avoir besoin du concours d'Ophélie. Il récupéra sa valise et leur fit signe de le suivre au fond du hangar. « Vous ne nous faites pas entrer par la grande porte ?» commenta la tante Roseline. Thorne pesa de tout son regard sur les deux femmes, tour à tour. « À compter de maintenant, » dit-il d'une voix pleine d'orage, « vous me suivez sans discuter, sans tergiverser, sans traîner les pieds, sans un bruit. » La tante Roseline pinça les lèvres. Ophélie garda le fond de sa pensée pour elle, puisque de toute façon, Thorne n'attendait pas d'assentiment. Il s'infiltrait à l'intérieur de la citadelle comme des clandestins, mais il avait ses raisons. Qu'elles fussent bonnes ou mauvaises, c'était une autre chose. Thorne fit coulisser une lourde porte en bois. À peine pénétrèrent-ils dans une salle obscure à la puissante odeur animale qu'il y eut de l'agitation dans l'ombre. Un chenil. Derrière les barreaux des boxes, de grosses pattes grattèrent, d'énormes truffes reniflèrent, de larges museaux couinèrent. Les chiens étaient si grands qu'Ophélie se serait crue dans une écurie. Thorn siffla entre ses dents pour calmer leurs ardeurs. Il se recourba à l'intérieur d'un monte-charge en fer forgé, attendit que les femmes s'y fussent installées, déplia la grille de sécurité et fit pivoter une manivelle. Avec un bruit métallique, l'ascenseur prit de l'altitude et grimpa de palier en palier. Des cristaux de glace se soulevèrent en nuages autour d'eux, tandis que la température remontait. La chaleur qui se coulait dans les veines d'Ophélie se transforma bientôt en supplice. Elle lui ébouillantait les joues et recouvrait ses lunettes de buée. La marraine étouffa un petit cri lorsque le monte-charge s'immobilisa brutalement. Thorn replia la grille en accordéon de l'ascenseur, balançant son long cou de part et d'autre de l'étage. « Prenez à droite, dépêchez-vous. » Cet étage ressemblait singulièrement à une ruelle sordide, avec des pavés à moitié déchaussés, des trottoirs mal entretenus, de vieilles publicités sur les murs et un brouillard dense. Il flottait dans l'air, un vague parfum de boulangerie et d'épices qui remua le ventre d'Ophélie. Valise en main, Thorn leur fit emprunter des quartiers dépeuplés, des chemins dérobés et des escaliers délabrés. À deux reprises, il les renfonça dans l'ombre d'une venelle à cause du passage d'un fiacre ou d'un lointain éclat de rire. Il traîna ensuite Ophélie par le poignet pour lui faire forcer l'allure. Chacune de ses longues enjambées comptait double pour elle. Elle observa à la lueur des réverbères les mâchoires crispées de Thorn, son œil très pâle et, tout là-haut, son front déterminé. Une fois encore, elle se demanda dans quelle mesure sa place à la cour était très légitime pour qu'il agît de la sorte. Ses longs doigts nerveux relâchèrent son bras quand ils investirent l'arrière-cour d'une maison en piteux état. Un chat qui fouinait dans les poubelles détala à leur vue. Après un dernier coup d'œil méfiant, Thorn poussa les deux femmes derrière une porte qu'il referma aussitôt sur eux et verrouilla à double tour. La tante Roselyne hoqueta de stupeur. Les yeux d'Ophélie s'arrondirent sous ses lunettes. Flamboyant dans le déclin du jour, un parc champêtre déployait autour d'elle son feuillage d'automne. Plus de nuit, plus de neige, plus de cytaciel. Par un invraisemblable tour de passe-passe, ils avaient surgi ailleurs. Ophélie pivota sur ses talons. La porte qu'il venait de franchir se tenait debout, absurdement, au milieu du gazon. Comme Thorn paraissait respirer plus à son aise, elles comprirent que ses interdictions étaient levées. « C'est extraordinaire !» balbutia la tante Roselyne, dont la longue figure sèche s'était dilatée d'admiration. « Où sommes-nous ? » La valise à la main, Thorn s'était aussitôt remis en route entre les rangées d'ormes et de peupliers. « Au domaine de ma tante, merci de garder vos autres questions pour plus tard et de ne pas nous retarder davantage, » ajouta-t-il d'une voix coupante, comme Roselyne s'apprêtait à poursuivre sur sa lancée. Elles suivirent Thorn dans l'allée bien entretenue du parc, longée par deux ruisseaux en escalier. La tante dégrafa son manteau de fourrure, charmée par la brise tiède. « Extraordinaire !» répétait-elle avec un sourire qui dévoilait ses longues dents. « Tout simplement extraordinaire !» Ophélie se moucha plus réservée. Ses cheveux et ses robes ne cessaient de pleurer de la neige fondue. Elle répandait des flaques partout sur son passage. Elle observa l'herbe du gazon à ses pieds, puis les cours d'eau scintillants, puis les feuillages qui frémissaient dans le vent, puis le ciel rosi par le crépuscule. Elle ne pouvait taire un petit malaise en elle. Le soleil n'était pas à sa place ici. La pelouse était beaucoup trop verte. Les arbres roux ne déversaient aucune feuille. On n'entendait ni le chant des oiseaux, ni le bourdonnement des insectes. Ophélie se rappela le journal de bord de l'aïeule Adélaïde. « Madame l'ambassadrice nous a aimablement reçus dans son domaine, où il règne une éternelle nuit d'été. Je suis éblouie par tant de merveilles. Les gens d'ici sont courtois, très prévenants, et leur pouvoir dépasse l'entendement. « Ne retirez pas votre fourrure, ma tante, » murmura Ophélie. « Je crois que ce parc est faux. »« Faux ?» répéta Roselyne, interdite. Thorne se retourna à demi. Ophélie n'eut qu'un bref aperçu de son profil balafré et mal rasé, mais le regard qu'il avait versé de son côté avait trahi une étincelle de surprise. Une grande demeure se dessina en filigrane derrière la dentelle des branchages. Elle leur apparut tout entière, bien découpée sur la toile rouge du couchant, lorsque l'allée délaissa le bois champêtre pour de jolis jardins symétriques. C'était une gentilhommière drapée de lierre, coiffée d'ardoises et rehaussée de girouettes. Sur le perron de pierre, aux marches concaves, se tenait une vieille dame. Les mains croisées sur son tablier noir, un châle sur les épaules, elle semblait les guetter depuis toujours. Elle les dévora des yeux sitôt qu'ils gravirent les marches, ses rides propagées autour d'un sourire radieux. « Thorne, mon petit, quelle joie de te revoir !» Malgré la fatigue, malgré le rhume, malgré les doutes, Ophélie ne put dissimuler son amusement. À ses yeux, Thorne était tout sauf petit. Elle sourcilla en revanche quand celui-ci repoussa les avances de la vieillarde sans ménagement. « Thorne, Thorne, tu n'embrasses donc pas ta grand-mère ?» s'attrista la femme. « Arrêtez ça » siffla-t-il. Il s'engouffra dans le vestibule du manoir, les laissant toutes les trois sur le seuil. « Quel sang-cœur !» suffoqua Roselyne, qui semblait avoir oublié toute politique de rapprochement. Mais la grand-mère s'était déjà trouvée une autre victime. Ses doigts malaxaient les joues d'Ophélie comme pour juger de sa fraîcheur, manquant de décrocher ses lunettes. « Voici donc le sang nouveau qui vient au secours des dragons !» dit-elle avec un sourire rêveur. « Je vous demande pardon ?» bredouilla Ophélie. Elle n'avait pas compris un traître mot de cette formule d'accueil. « Tu as un bon visage, » s'égaya la vieille femme. « Très innocent. » Ophélie se dit qu'elle devait surtout avoir l'air hébétée. Les mains fripées de la grand-mère étaient parcourues d'étranges tatouages, les mêmes tatouages que les bras des chasseurs sur les croquis d'Augustus. « Pardonnez-moi, madame, je suis en train de vous arroser. » dit Ophélie en ramenant vers l'arrière ses cheveux dégoulinants. « Par nos illustres aïeuls, vous grelottez, ma pauvre enfant. Entrez, entrez vite, mesdames. On ne va pas tarder à servir le souper. »